Voyage au centre de nos têtes. Suite. Lila, à sa naissance, semble avoir reçu de la baguette d'une fée bienveillante une dose d'énergie pour plusieurs. Elle m'en donne encore la preuve aujourd'hui, quand je parcours le tunnel vaste et régulier qu'elle a façonné. Telle une excavatrice en sur-régime, Lila avance sous la surface terrestre comme elle le fait dans la vie. Déterminée, étrangère aux questionnements inutiles. Affranchie. Tandis qu'à la surface explose le monde, je suis bien. J'entends toujours les bruits sourds d'une guerre chronique au-dessus de ma tête, des combats féroces, des atomisations répétées, et ces sons me parviennent avec délicatesse. C'est une autre planète, là-haut. Pédalant régulièrement à l'écoute, éclairé par mon gros phare, je suis dans mon élément. Car où peut-on être plus concentré que sur les courses terrestres, à l'abri de la tentation de toujours penser dispersé? Terre me porte dans ses flancs. La mère universelle me nourrit par ses boyaux, exécute les efforts pour moi, et je me laisse aller, mon corps se mouvant de lui-même. Ma tête peut alors, dégagée des soucis, échafauder en silence des mondes bien à elle. Les coups de pioche de ma forcenée se font plus proches. Je distingue une forme très petite et animée, au bout du tunnel, dans un halo de lumière d'où s'échappent des pelletées de terre. Je crie fort le nom de ma belle pour tenter de me faire entendre. Entre les bruits de percussions et les ahannements de Lila, le son se perd dans le tunnel et n'impressionne que mes propres tympans. Je m'approche un peu plus, la main devant les yeux pour éviter les mottes de terre volant dans tous les sens, jusqu'à toucher Lila qui se retourne surprise, manquant d'un cheveu de me loger la pelle entre les dents. Elle se ressaisit à ma vue. « Oh, Miloche, tu m'as fait peur. J'ai cru que c'était un animal. » « Merci. Qu'est-ce que tu fais comme ça, plein de terre? Pourquoi tu fermes les yeux? Tu m'éblouis un peu avec ta lampe frontale, ma Lila. »« Oh, pardon. » Elle époussette mes vêtements puis presse le bouton de la lumière brillant sur son front. Nous voilà à nouveau, mouvant tous les deux au rythme de la bougie qui danse dans sa cage de verre posée au sol. Nos ombres distordues sur la paroi du tunnel nous imitent, en plus grand. Ruisselante de sueur, couverte de terre jusqu'aux cheveux, les yeux se détachant sur le masque d'humus, le visage de ma belle se fend du ruban blanc de ses dents. Je souris à mon tour. Je nous trouve un peu germinaliens, tous les deux. « J'ai fait de la soupe, » lui dis-je. « Super. J'espère que t'en as fait des litres. J'ai jamais eu aussi faim. J'en ai fait pour 2 régiments. »« Parfait. Tu vas voir de quoi je suis capable quand je suis affamé. Mais j'ai encore du boulot ici. Faudrait pas que je me disperse. » « Tu finiras demain, tu as bien travaillé, et puis tu dois prendre des forces, ça marche comme ça le corps. Je te ramène sur mon porte-bagages ?» Lila, au bras terreux, prend sa place à l'arrière, m'en serrant la taille avec tendresse, la joue collée sur mon omoplate. Nous prenons le chemin du retour sans parler. Elle chante doucement des refrains italiens. La chaleur de son corps mêlée à la féminité de sa voix me donne des ailes. Je zigzague sur la route pour faire rire ma belle. Je roule sur les murs pour l'effrayer un peu, et, encouragé par ses faux cris de peur, je chemine un instant sur le plafond du souterrain. Notre fantaisie n'a plus de bornes. Accroche-toi, Lila, on décolle. Nous rions de concert tandis que je me rétablis. Emporté par mon élan, je me sers de la sortie en pente comme d'un tremplin, et nous sommes éjectés par la gueule béante du tunnel. Après un vol plané dans les airs, au cours duquel nous retenons notre souffle, le vélo atterrit au milieu du jardin, et nous roule-boulons parmi les courgettes, tous deux pris d'un fou rire que le pire des dictateurs ne pourrait éteindre. Lila se tient les côtes. L'hilarité mêlée à la fatigue physique lui donne un visage que je ne lui connais pas, un peu asiatique. Je la regarde, couchée sur le flanc, en mordillant une courgette pleine de terre d'une dent distraite et admirative. Alors c'est cela que les poètes appellent amour ? Des moments de complicité intense n'appartenant qu'à 2 êtres, que personne d'autre ne cautionnerait et qui, pour cette raison, n'en sont que plus forts. Un couple inventant et réinventant une originalité qui lui est propre ne s'ennuierait jamais. Oui, mais ce n'est pas ce que disent les romans. Dans les romans, les amoureux n'ont jamais de jardin assez vaste, ni de muscles assez fermes pour creuser des trous à l'infini. Les anciennes galeries s'effondrent peu à peu, ne laissant que de vagues souvenirs de concavités, d'où sortent des manches de pelle et de pioches rouillées. J'ai peur. À quoi tu penses, si sérieux, mon Mimi? À ma soupe de légumes. C'est moi qui te fais penser à ça? Oui. Merci. Lila essuie ses larmes, toujours souriante, se relève en s'époustant le corps, me tend la main à moi, couché comme un empereur romain, la courgette entamée à la bouche et la terre aux commissures, m'aide à me relever. En me prenant par le bras, elle m'appelle doucement « mon extraterrestre » et nous emmène, terreux et dignes, vers la maison aux délicieuses odeurs de légumes qui jouent à saute-mouton dans une marmite en fonte. Dans le jardin, une roue fatiguée de vélo tourne encore dans le vide, actionnant la dynamo. Le gros phare nous éclaire de plus en plus faiblement la route, puis se repose enfin dès que nous franchissons le seuil. Le monde matériel, lui aussi, nous dispense sa grâce. Le lendemain, pendant que Lila fait des pompes pour préparer son corps à l'exercice excavateur, je détache avec difficulté mes yeux collants du spectacle de son corps en action pour me rendre dans l'atelier. J'ai besoin de me remettre en mémoire les formes du marbre noir que j'ai attaqué hier. J'adore les lendemains des jours de dégrossissage, quand il ne reste dans l'esprit qu'une faible idée de la sculpture en cours. J'ai alors l'impression étrange d'avoir seulement servi de truchement la veille, de n'avoir été qu'une paire de bras et de mains qu'un autre que moi a utilisé pour modeler en marbre. Je revisite alors ma pierre avec l'œil de celui qui ne l'a jamais touchée. Aujourd'hui, ce sentiment est encore plus fort. Je suis le premier spectateur de ma première sculpture à caractère figuratif. Elle semble me dire « Regarde-moi, Miloche, je suis la preuve que ta vie a enfin pris du sens. Et maintenant, regarde autour de toi les nuages de marbre, imprécise représentation de ton magma intérieur tentant de prendre forme. Je suis importante, tu le sais, sois attentif aux signes que je te lance. » Le deuxième spectateur est une spectatrice, un peu transpirante d'effort. Elle me sort de mes pensées en posant son menton sur mon épaule, en frottant sa joue lisse à la mienne, un peu barbue de négligence. Lila fait « Aïe, tu piques mon cochon !» Puis « Waouh, un visage ! T'as sculpté un visage ?»« Mon Miloche s'ouvre aux gens ? » ?»« Tu crois que c'est aussi grave que ça ?»« J'en ai bien peur, oui. » »« Tu ne crois pas qu'on voit dans ses créations et dans celles des autres ce qu'on a envie d'y voir ?»« Peut-être, oui, peut-être, » fait-elle en passant doucement sa main sur la surface gradinée. « En fait, je sais pas vraiment ce que ça signifie et je crois que je m'en fous pas mal. Le principal, c'est que ça me plaît beaucoup. Je suis fier de toi. » Je suis fier de ce que j'entends. Bon, c'est pas tout ça. J'ai un travail à finir, moi aussi. Je peux prendre ton vélo aux grosses roues pour aller dans la galerie? Bien sûr. Tout ce qui est ici est à toi, dis-je en regardant par la fenêtre. Je me retourne un peu théâtralement pour voir l'effet qu'a produit ma déclaration d'amour détournée, m'attendant à tomber sur un regard béat de gratitude. Mais Lila a déjà disparu dans les airs. Je regarde derrière moi, devant, sous l'établi, au plafond, rien. Un bruit de dynamo oriente mon attention vers l'extérieur, où j'ai juste le temps de voir ma belle en vélo s'engouffrer comme une furie dans la gueule bâillante de la terre. Je ris en moi-même du caractère impétueux de Lila, toujours imprévisible. Elle me manque, déjà. Désireux de connaître le visage qu'adoptera mon marbre, je me remets au travail, ciseaux dans la main gauche, massette dans la droite. À nous deux, forme humaine. Ce soir-là, Lila rentre très tard, quand la nuit est déjà tombée lourdement. Elle a perdu la notion du temps, n'ayant ni horloge ni ciel. En l'attendant, couchée sur la terre à l'entrée du tunnel, je regarde la lune constellée de cratères, mon jardin lui faisant de l'œil, en miroir. Les mains derrière la tête, le souffle lent, je suis plongé dans une méditation qui vient de loin. Je laisse venir librement mes pensées sans les diriger, comme on conseille dans les magazines. Elles en profitent pour ne pas se presser, attendant leur tour ou s'évanouissant par manque d'intérêt. Tout comme le mélange de l'ensemble des couleurs engendre le blanc, l'abondance de mes pensées aboutit à quelque chose proche du rien, du vide. J'en profite. Mon être revient brusquement à la conscience, éveillé par un furieux bruit de cliquettement de métal doublé d'un son de courroie qui s'emballe. Lila! Avant d'avoir pu esquisser un geste pour me relever, je vois mon âme sur son vélo à contre-jour dans les airs, leur silhouette se découpant nettement sur la lune. Ma tête suit le vol plané de Lila, qui atterrit plusieurs mètres plus loin, sur le dos, au sommet d'un gros monticule de terre, duquel elle descend en roulade désordonnée. Elle finit son tourneboulet multidirectionnel juste à mes côtés. Couchée sur le flanc, une main sur la joue, elle regarde mon visage aux yeux ronds de spectateur mi-apeuré, mi-fasciné, en me disant « Tiens, t'es là, toi ?»« Oui. » Je suis presque arrivé au bout d'après mes plans. Demain, c'est bon. « Tu n'es pas trop fatigué ?» En guise de réponse, Lila ouvre une bouche gigantesque d'où sort un bâillement tout aussi démesuré. Puis elle essaie de me fixer d'un regard qui hésite entre les différents strabismes, paupières mi-closes. Sa tête vient se poser au creux de mon épaule, doucement, et son souffle se fait long et paisible. Ses yeux aussi ont cessé leur lutte contre le sommeil. Je n'ose pas interrompre cet instant. Alors je rêve encore un peu, le nez au ciel, en caressant les cheveux de celle qui est décidément vraiment à mon goût. Je suis des yeux la lente progression de la lune dans le ciel, son jeu de cache-cache avec les nuages, au rythme de la respiration apaisante de Lila. J'aime les lumières clignotantes des avions de ligne, les petites agitations nocturnes, le faible bruit de la nuit. Quand Lila se recroqueville, je commence moi aussi à m'imprégner de la fraîcheur humide qui entreprend de nous recouvrir. J'aimerais, comme dans les contes, porter ma princesse jusqu'à sa couche, mais je n'ai pas mon diplôme de prince charmant, recalé pour de multiples raisons, dont celle de musculature insuffisante. Doucement, je réveille Lila qui gémit un faible puis un « non » en se lovant davantage contre mon corps. Quand elle se lève enfin, je la guide jusqu'au lit où je lui ôte ses vêtements pleins de terre avant de l'aborder. Elle n'a pas ouvert les yeux pendant toutes ces opérations, ou si peu. Lorsque je reviens quelques minutes plus tard, après avoir soigneusement lavé et étendu le linge de Lila, elle est retournée à ses rêves. J'espère y jouer un petit rôle. Je la rejoins dans le sommeil. Le lendemain, dans l'après-midi, occupé à polir mon marbre noir, je perçois le son du timbre du vélo piloté par Lila. Le klaxon doit être chauffé au rouge tant il semble soumis à l'effort mécanique. Le nez au carreau poussiéreux, je dirige mon attention vers l'entrée du tunnel pour voir ma douce expulsée telle une femme canon. Avec des cris de victoire, elle exécute un enchaînement compliqué de sauts périlleux dans les airs tandis que le vélo poursuit sa course en solo dans l'atmosphère. Elle s'écrase comme un pantin dans un tas de terre meuble. Je file de l'atelier pour aller ramasser ses membres épars et nous nous cognons sur le pas de la porte, tous deux courant en sens inverse. Tombant aussitôt à la renverse, je vais pour me remettre péniblement debout quand Lila me secoue par le paletot. « Je suis arrivé au bout, Miloche ! J'ai réussi ! Viens voir !» Lila me relève par là où elle était en train de me brimballer, puis me traîne jusqu'à l'entrée du tunnel. Elle place ma tête au-dessus de la bouche de la galerie. Je sens alors un léger souffle parfumé de senteurs florales et d'une odeur d'herbe fraîche, pimentée de quelques touches poivrées de déjections d'herbivores. « La campagne !» dis-je à Lila. « Bravo, mon Mimi, quel odorat !»« La campagne, mais pas celle à laquelle tu es habitué. Tu verrais ce paysage à tomber. Je file fermer la trappe et demain, je t'emmène en visite guidée. » Un peu habitué, je ne tente même pas d'esquisser une réponse ou de manifester ma joie. De toute façon, Lila court déjà dans le parc à vélo où elle change de monture. Je suis son manège en souriant, agitant un peu la tête de droite à gauche. Quand le souterrain l'a à nouveau englouti, je vais secourir la bicyclette qui a accompagné les acrobaties de ma mineure de fond. Je retrouve le vélo dans un coin du jardin, entre deux monticules de terre, épuisé, la sonnette fumante, la roue amorçant une esquisse de 8. Je le ramène au parc, couinant de fatigue, la course rendue pénible par le pneu frottant hardiment le frein à chaque tour. Je le mets de côté dans le lot des vélos à revoir. Il a mérité du repos. Une petite heure plus tard, Lila, en ressortant du tunnel, effectue, je suppose, une nouvelle série de figures complexes dans les airs, dont je suis plus entendeur que spectateur. Un bruit de klaxon ininterrompu, suivi d'un souffle puissant puis de bourdonnements changeants au-dessus de ma tête, impossible à localiser de façon précise. Quelques secondes plus tard, un son mat, celui de la chute de Lila dans une montagne de terre, suivi de la dégringolade. l'oreille toujours tendue pour percevoir le son du vélo qui s'écrase quelque part, je reste dans l'attente, yeux plissés, tête de biais. Apparemment, la bicyclette ne manifeste aucune intention de descente. Étrange. Après un minutieux examen des lieux, ayant envisagé jusqu'à la mise en orbite, je réussis à localiser l'objet de mes recherches, pendu à la plus haute branche du figuier. Lila, radieuse tout autant que terreuse, me rejoint en se tenant les reins. « Je suis vachement contente. Je vais de plus en plus haut. Tu es une vraie acrobate, ma Lila. » Puis le nez au ciel. « C'est joli, ce vélo dans les arbres. Tu trouves pas ?» me dit-elle. « Oui, c'est original. On n'en voit pas assez. » Finalement, et malgré l'intérêt décoratif certain de la chose, Lila grimpe dans le figuier. « Pousse-toi, Mimi, il va te tomber dessus !» me crie-t-elle du bout de sa branche. C'est bien ce que je fais. En chutant, le vélo vient se planter au milieu de mes semis de fèves. La roue avant, qui avait déjà perdu quelques rayons dans l'acrobatie, adopte maintenant une jolie forme ellipsoïdale. Le sourire aux lèvres, les joues gonflées de plaisanterie, Lila regarde goguenarde le vélo planté dans la terre. « Qu'est-ce que tu as la main verte, mon Mimi ? Tu réussis même à faire pousser des vélos ?» Moi, en souriant, je fais la récolte car celui-là me semble mûr à point. En poussant le vélo jusqu'à l'atelier de réparation, la roue, déformée mais restant dans son axe, imprime à la monture un rythme tour à tour ascendant, descendant, cheval de bois sur un manège. Une petite musique carillonne dans ma tête. Quand je contemple la bicyclette fatiguée aux côtés de ses congénères, il me semble les entendre se dire en se considérant d'un air entendu, phare mi-clos. « Ah, toi aussi ?» Lila fait quant à elle preuve d'une forme resplendissante. Elle court entre les montagnes de terre en hurlant des « Youpi !» Contaminée par cette bonne humeur, je me mets à la poursuivre en criant « Je suis le dieu protecteur des vélos! Je vais t'apprendre à massacrer l'engeance cyclique !» Et nous nous poursuivons dans le jardin, escaladant les monticules, les dévalant comme deux furies, piétinant mes légumes, moi tonitruant des « La foudre divine va s'abattre sur toi !» Elle me répondant « Ah non, épargnez-moi, par pitié !» Du haut des tas de terre, nous tentons quelques figures compliquées. M'essayant un double salto avec vrille tourneboulée, je rate ma réception et je m'affale comme un malpropre, sur le dos, dans les poivrons rouges, qui amortissent ma chute en explosant. Lila, après un double saut périlleux arrière, réussit une réception parfaite à côté de la corde à linge. Posté sur un monticule près d'elle, je tente de lui sauter dessus pour la taquiner, du haut de mes 5 mètres. Je calcule mal ma trajectoire pour finir dans les cordes, pliant simultanément les deux mâts de mon étendoir. Mon jardin ressemble à Verdun en nettement plus amusant, et nous gardons tous les deux la ligne rigolo. Les rideaux des voisins volent à qui mieux mieux, et je m'en fous. Épuisé, affamé, je récolte les victimes innocentes de nos jeux, puis je fais rissoler ce tas de légumes avachis avec des œufs. Nous mangeons dans le jardin ce repas de prince, accompagné d'une bonne bouteille de vin rouge. Au milieu de conversations un peu surréalistes, nous envisageons des destinations lointaines, des coups de pioche étrangers. Nous devisons de pelletées miraculeuses et nous touchons du doigt l'indéfini.